Non, ne me demandez pas, voix 1. Ils ont construit des prisons, des centres de rétention pour y enfermer les sans-papiers. Des lois contre l'immigration, ils en votent à foison, ils en sortent une par saison. J'ai vu des contrôles abusifs, des reconduites à la frontière, un étau administratif aux ordres de leur ministère. Non, non, non, non, non, ne me demandez pas de cautionner ces lois de l'État. Non, non, ne me demandez pas de cautionner cette politique-là. Tout près de nous, juste à côté, la force est déployée pour traquer, menotter, expulser des dissidentes politiques, des minorités ethniques, réfugiés économiques. Ceux qui n'ont commis aucun crime que de fuir l'enfer qu'elles vivaient, risquant déjà d'être victimes à chaque étape de leur trajet. Non, non, non, non, non, ne me demandez pas de train différent à ces villes-là. Non, non, ne me demandez pas de l'ignorer, cette oppression-là. Derrière chez moi, il y avait une enfant, un écolier. Leurs parents demandaient des papiers. Mais un jour, 22 policiers sont venus arrêter son père qui allait le chercher. J'ai vu s'envoler un charter. J'ai entendu le gosse hurler. Ils doivent être fiers au ministère. C'est une affaire rondement menée. Non, non, non, non. Non, ne me demandez pas de rien à dire si j'assiste à ça. Non, non, ne me demandez pas de ne pas agir si j'assiste à ça. De Vintimille à Calais, la force s'est déployée pour empêcher les migrants de passer. Quand sur nos écrans de télé, ils jouent assez farouchés devant le corps d'un enfant noyé. Ils ont beau jeu de s'indigner à chaque nouveau naufrage en mer. La solution, vous la connaissez. Il suffit d'ouvrir les frontières. Oui, oui, oui, non. Non, ne me demandez pas de m'émouvoir puis de rentrer chez moi. Non, non, ne me demandez pas de ne pas me battre pour changer tout ça.